Les éléphants, de poèmes et poésies de Charles le Comte de Lisle, lu pour LibriVox.org. Les éléphants. Le sable rouge est comme une mer sans limite et qui flambe, muette, affaissée en son lit. Une ondulation immobile remplit l'horizon aux vapeurs de cuivre où l'homme habite. Nulle vie et nul bruit. Tous les lions repus dorment au fond de l'antre éloigné de 100 lieues. Et la girafe bois dans les fontaines bleues, là-bas, sous les dattiers des panthères connues. Pas un oiseau ne passe en fouettant de son aile l'air épais où circule un immense soleil. Parfois, quelque boa, chauffé dans son sommeil, fait onduler son dos dont l'écaille étincelle. Tel l'espace enflammé brûle sous les cieux clairs. Mais, tandis que tout dort aux mornes solitudes, les éléphants rugueux, voyageurs lents et rudes, vont au pays natal à travers les déserts. D'un point de l'horizon, comme des masses brunes, ils viennent, soulevant la poussière, et l'on voit, pour ne point dévier du chemin le plus droit, sous leurs pieds larges et sûrs, crouler au loin les dunes. Celui qui tient la tête est un vieux chef. Son corps est gercé comme un tronc que le temps ronge et mine. Sa tête est comme un roc, et l'arc de son échine se voûte puissamment à ses moindres efforts. Sans ralentir jamais et sans hâter sa marche, il guide au but certain ses compagnons poudreux, et, creusant par derrière un sillon sablonneux, les pèlerins massifs suivent leur patriarche. L'oreille en éventail, la trompe entre les dents, ils cheminent, l'œil clos. Leur ventre bat et fume, et leur sueur dans l'air embrasé monte en brume, et bourdonnent autour 1000 insectes ardents. Mais qu'importe la soif et la mouche vorace et le soleil cuisant leur dos noir et plissé. Ils rêvent en marchant du pays délaissé, des forêts de figuiers où s'abrita leur race. Ils reverront le fleuve échappé des grands monts, où nage en mugissant l'hippopotame énorme, où, blanchis par la lune et projetant leur forme, ils descendaient pour boire en écrasant les joncs. Aussi, pleins de courage et de lenteur, ils passent comme une ligne noire au sable illimité. Et le désert reprend son immobilité quand les lourds voyageurs à l'horizon s'effacent. Fin de Les éléphants, lu par Ezoie en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La panthère noire, de poèmes et poésies, de Charles le Comte de Lisle, lu pour LibriVox.org. La panthère noire. Une rose lueur s'épand par les nuées. L'horizon se dentelle à l'est d'un vif éclair, et le collier nocturne, en perles dénouées, s'égrène et tombe dans la mer. Toute une part du ciel se vêt de molles flammes qui l'agrafe à son faîte étincelant et bleu. Un pan traîne et rougit l'émeraude des lames d'une pluie aux gouttes de feu. Des bambous éveillés où le vent bat des ailes, des letchis aux fruits pourpres et des canéliers, pétillent la rosée en gerbes d'étincelles, montent des bruits frais, par milliers. Et des monts et des bois, des fleurs, des hautes mousses, dans l'air tiède et subtil, brusquement dilaté, s'épanouit un flot d'odeurs fortes et douces, plein de fièvre et de volupté. Par les sentiers perdus au creux des forêts vierges, où l'herbe épaisse fume au soleil du matin, le long des cours d'eau vive encaissés dans leurs berges, sous de verts arceaux de rotin, la reine de Java, la noire chasseresse, avec l'aube, revient au gîte où ses petits, parmi les eaux luisants, miaulent de détresse, les uns sous les autres blottis. Inquiète, les yeux aigus comme des flèches, elle ondule, épiant l'ombre des rameaux lourds. Quelques taches de sang, éparses, toutes fraîches, mouille sa robe de velours. Elle traîne après elle un reste de sa chasse, un quartier du beau cerf qu'elle a mangé la nuit, et sur la mousse en fleurs, une effroyable trace rouge et chaude encore la suit. Autour, les papillons et les fauves abeilles effleurent à l'envi son dos souple du vol. Les feuillages joyeux, de leurs 1000 corbeilles, sur ses pas parfument le sol. Le piton, du milieu d'un cactus écarlate, déroule son écaille et, curieux témoin, par-dessus les buissons dressant sa tête plate, la regarde passer de loin. Sous la haute fougère, elle glisse en silence, parmi les troncs moussus s'enfonce et disparaît. Les bruits cessent, l'air brûle, et la lumière immense endort le ciel et la forêt. Fin de La Panthère noire, lu par Ezoa, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le Jaguar, de poèmes et poésies de Charles Lecomte de Lisle, lu pour LibriVox.org. Le Jaguar. Sous le rideau lointain des escarpements sombres, la lumière, par flots écumeux, semble choir. Et les mornes pampas, où s'allongent les ombres, frémissent vaguement à la fraîcheur du soir. Des marais hérissés d'herbes hautes et rudes, des sables, des massifs d'arbres, des rochers nus, montent, roulent, épars, du fond des solitudes, de sinistres soupirs au soleil inconnu. La lune, qui s'allume entre des vapeurs blanches, sur la vase d'un fleuve au sourd bouillonnement, froide et dure, à travers l'épais réseau des branches, fait reluire le dos rugueux des caïmans. Les uns, le long du bord traînant leurs cuisses torses, pleins de faim, font claquer leurs mâchoires de fer. D'autres, tels que des troncs vêtus d'âpres écorces, gisent, entrebâillant la gueule au courant d'air. Dans la cage où fourchue, lové comme un reptile, c'est l'heure où, l'œil mi-clos et le mufle en avant, le chasseur au beau poil flaire une odeur subtile, un parfum de chair vive égarée dans le vent. Ramassé sur ses reins musculeux, il dispose ses ongles et ses dents pour son œuvre de mort. Il se lisse la barbe avec sa langue rose, il laboure l'écorce et l'arrache et la mord. Tordant sa souple queue en spirale, il enfouette le tronc de la cajou d'un brusque enroulement. Puis, sur sa patte roide, il allonge la tête et, comme pour dormir, il râle doucement. Mais voici qu'il se tait, et, tel qu'un bloc de pierre, immobile, s'affaisse au milieu des rameaux. Un grand bœuf des pampas entre dans la clairière, cornes hautes et deux jets de fumée aux naseaux. Celui-ci fait trois pas. La peur le cloue en place, au sommet d'un tronc noir qu'il effleure en passant, planté droit dans sa chair où court un froid de glace, flambent deux yeux zébrés d'or, d'agate et de sang. Stupide, vacillant sur ses jambes inertes, il pousse contre terre un mugissement fou, et le jaguar, du creux des branches entr'ouvertes, se détend comme un arc et le saisit au cou. Le bœuf cède, en trouant la terre de ses cornes, sous le choc imprévu qui le force à plier. Mais bientôt, furieux, par les plaines sans bornes, il emporte au hasard son fauve cavalier. Sur le sable mouvant qui s'amoncelle en dunes, de marais, de rochers, de buissons entravés, il passe, aux lueurs blafardes de la lune, l'un ivre, aveugle, en sang, l'autre à sa chair rivée. Il plonge au plus noir de l'immobile espace, et l'horizon recule et s'élargit toujours. Et d'instants en instants, leur rumeur qui s'efface dans la nuit, et la mort enfonce ses bruits sourds. Fin de Le Jaguar, lu par Ezoa, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les Taureaux, de poèmes et poésies de Charles Lecomte de Lisle, lu pour LibriVox.org. Les Taureaux. Les plaines de la mer, immobiles et nues, coupent d'un long trait d'or la profondeur des nues. Seul, un rose brouillard, attardé dans les cieux, se tord languissamment comme un grêle reptile aux fêtes dentelées des monts silencieux. Un souffle lent, chargé d'une ivresse subtile, nage sur la savane et les versants moussus où les taureaux aux poils lustrés, aux cornes hautes, à l'œil cave et sanglant, musculeux et bossus, pèsent l'herbe salée et rampante des côtes. Deux nègres dans ton gile, maigres, les reins courbés, les coudes aux genoux, les paumes aux mâchoires, dans l'abêtissement d'un long rêve absorbé, assis sur les jarrets, fument leurs pipes noires. Mais, sentant venir l'ombre et l'heure de l'enclos, le chef accoutumé de la bande farouche, une bave d'argent aux deux coins de la bouche, tend son mufle camus et beugle sur les flots. Fin de Les Taureaux, lu par Ezoie en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La mort d'un lion, de poèmes et poésies de Charles le Comte de Lisle, lu pour LibriVox.org. La mort d'un lion. Étant un vieux chasseur altéré de grand air et du sang noir des bœufs, il avait l'habitude de contempler de haut les plaines et la mer, et de rugir en paix, libre en sa solitude. Aussi, comme un damné qui rôde dans l'enfer, pour l'inepte plaisir de cette multitude, il allait et venait dans sa cage de fer, heurtant les deux cloisons avec sa tête rude. L'horrible sort, enfin, ne devant plus changer, il cessa brusquement de boire et de manger, et la mort emporta son âme vagabonde. Ô cœur toujours en proie à la rébellion, qui tourne, haletant dans la cage du monde, lâche, que ne fais-tu comme a fait ce lion? Fin de La mort d'un lion, lu par Ezoie en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les Hurleurs, de poèmes et poésies de Charles le Comte de Lisle, lu pour LibriVox.org. Les Hurleurs. Le soleil, dans les flots, avait noyé ses flammes. La ville s'endormait au pied des monts brumeux. Sur de grands rocs, lavés d'un nuage écumeux, la mer sombre, en grondant, versait ses hautes lames. La nuit multipliait ce long gémissement. Nul astre ne luisait dans l'immensité nue. Seule, la lune pâle, en écartant la nue, comme une morne lampe, oscillait tristement. Monde muet, marqué d'un signe de colère, débris d'un globe mort au hasard dispersé, elle laissait tomber de son orbe glacé un reflet sépulcral sur l'océan polaire. Sans borne, assise au nord sous les cieux étouffants, l'Afrique, s'abritant d'ombre épaisse et de brume, affamait ses lions dans le sable qui fume et couchait près des lacs ses troupeaux d'éléphants. Mais sur la plage aride, aux odeurs insalubres, parmi des ossements de bœufs et de chevaux, de maigres chiens, épars, allongeant leurs museaux, se lamentaient, poussant des hurlements lugubres. La queue en cercle sous leur ventre palpitant, l'œil dilaté, tremblant sur leurs pattes fébriles, accroupis çà et là, tous hurlaient, immobiles, et d'un frisson rapide agité par instant. L'écume de la mer collait sur leurs échines de longs poils qui laissaient les vertèbres saillir, et quand les flots par bonds les venaient assaillir, leurs dents blanches claquaient sous leurs rouges babines. Devant la lune errante aux livides clartés, quelle angoisse inconnue, au bord des noires ondes, faisait pleurer une âme en vos formes immondes. Pourquoi gémissiez-vous, spectres épouvantés? Je ne sais. Mais ô chiens qui hurliez sur les plages, après tant de soleils qui ne reviendront plus, j'entends toujours, du fond de mon passé confus, le cri désespéré de vos douleurs sauvages. Fin de Les Hurleurs, lu par Ezoie en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les Larmes de l'Ours, de Poèmes et Poésies, de Charles le Comte de Lisle, lu pour LibriVox.org. Les Larmes de l'Ours. Le roi des runes vint des collines sauvages. Tandis qu'il écoutait gronder la sombre mer, l'ours rugir, et pleurer le bouleau des rivages, ses cheveux flamboyaient dans le brouillard amer. Le scald immortel dit « Quelle fureur t'assiège, ô sombre mer! Bouleau pensif du cap brumeux, pourquoi pleurer? Vieil ours vêtu de poils de neige, de l'aube au soir, pourquoi te lamenter comme eux? Roi des runes, lui dit l'arbre au feuillage blême, qu'un âpre souffle emplit d'un long frissonnement. Jamais sous le regard du bienheureux qu'il aime, je n'ai vu rayonner la vierge au col charmant. Roi des runes, jamais, dit la mer infinie, mon sein froid n'a connu la splendeur de l'été. J'exhale avec horreur ma plainte d'agonie, mais joyeuse, au soleil, je n'ai jamais chanté. Roi des runes, dit l'ours hérissant ses poils rudes, lui que ronge la faim, le sinistre chasseur. Que ne suis-je l'agneau des tièdes solitudes qui paie l'herbe embaumée et vit plein de douceur? Et le skald immortel prit sa harpe sonore. Le chant sacré brisa les neuf sceaux de l'hiver. L'arbre frémit, baigné de rosée et d'aurore. Des rires éclatants coururent sur la mer. Et le grand ours, charmé, se dressa sur ses pattes. L'amour ravit le cœur du monstre aux yeux sanglants, et, par un double flot de larmes écarlates, ruissela de tendresse à travers ses poils blancs. Fin de Les larmes de l'ours, lu par Ezois, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le sommeil du condor, de Poèmes et poésies de Charles Lecomte de Lisle, lu pour LibriVox.org. Le sommeil du condor. Par-delà l'escalier des roides cordillères, par-delà les brouillards hantés des aigles noirs, plus haut que les sommets creusés en entonnoir où bout le flux sanglant des laves familières, l'envergure pendante et rouge par endroits, le vaste oiseau, tout plein d'une morne indolence, regarde l'Amérique et l'espace en silence, et le sombre soleil qui meurt dans ses yeux froids. La nuit roule de l'est, où les pampas sauvages, sous les monts étagés, s'élargissent sans fin. Elle endort le Chili, les villes, les rivages, et la mer Pacifique, et l'horizon divin. Du continent muet, elle s'est emparée. Des sables aux coteaux, des gorges aux versants, de cime en cime, elle enfle, en tourbillon croissant, le lourd débordement de sa haute marée. Lui, comme un spectre, seul, au front du pic altier, baigné d'une lueur qui saigne sur la neige, il attend cette mer sinistre qui l'assiège. Elle arrive, déferle, et le couvre en entier. Dans l'abîme sans fond, la croix australe allume sur les côtes du ciel son phare constellé. Il râle de plaisir, il agite sa plume, il érige son cou musculeux et pelé. Il s'enlève en fouettant l'âpre neige des Andes, dans un cri rauque, il monte où n'atteint pas le vent, et, loin du globe noir, loin de l'astre vivant, il dort dans l'air glacé, les ailes toutes grandes. Fin de Le sommeil du condor, lu par Ezois, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le colibri, de Poèmes et poésies de Charles Lecomte de Lisle, lu pour LibriVox.org. Le colibri. Le vert colibri, le roi des collines, voyant la rosée et le soleil clair luire dans son nid tissé d'herbes fines, comme un frais rayon, s'échappe dans l'air. Il se hâte et vole aux sources voisines où les bambous font le bruit de la mer, où l'assoka rouge, aux odeurs divines, s'ouvre et porte au cœur un humide éclair. Vers la fleur dorée il descend, se pose, et boit tant d'amour dans la coupe rose qu'il meurt, ne sachant s'il l'a pu tarir. Sur ta lèvre pure, ô ma bien-aimée, telle aussi mon âme eût voulu mourir du premier baiser qu'il a parfumé. Fin de Le colibri, lu par Ezois, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La véranda, de Poèmes et poésies, de Charles Lecomte de Lisle, lu pour LibriVox.org. Au tintement de l'eau dans les porphyres roux, les rosiers de l'Iran mêlent leurs frais murmures, et les ramiers rêveurs, leur roucoulement doux. Tandis que l'oiseau grêle et le frelon jaloux, sifflant et bourdonnant, mordent les figues mûres, les rosiers de l'Iran mêlent leurs frais murmures au tintement de l'eau dans les porphyres roux. Sous les treillis d'argent de la véranda close, dans l'air tiède, embaumé de l'odeur des jasmins, où la splendeur du jour darde une flèche rose, la persane royale, immobile, repose, derrière son col brun croisant ses belles mains, dans l'air tiède, embaumé de l'odeur des jasmins, sous les treillis d'argent de la véranda close. Jusqu'aux lèvres que l'ambre arrondie baise encore, du cristal d'où s'échappe une vapeur subtile qui monte en tourbillon léger et prend l'essor, sur les coussins de soie écarlate, aux fleurs d'or, la branche du huka rôde comme un reptile, du cristal d'où s'échappe une vapeur subtile, jusqu'aux lèvres que l'ambre arrondie baise encore. Deux rayons noirs, chargés d'une muette ivresse, sortent de ses longs yeux entr'ouverts à demi. Un songe l'enveloppe, un souffle la caresse. Et parce que l'effluve invincible l'oppresse, parce que son beau sein, qui se gonfle, a frémi, sortent de ses longs yeux entr'ouverts à demi, deux rayons noirs, chargés d'une muette ivresse. Et l'eau vive s'endort dans les porphyres roux. Les rosiers de l'Iran ont cessé leur murmure, et les ramiers rêveurs, leur roucoulement doux. Tout se tait. L'oiseau grêle et le frelon jaloux ne se querellent plus autour des figues mûres. Les rosiers de l'Iran ont cessé leur murmure, et l'eau vive s'endort dans les porphyres roux. Fin de La Véranda, lu par Ezois, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'Oasis, de Poèmes et Poésies de Charles Lecomte de Lisle, lu pour LibriVox.org. L'Oasis. Derrière les coteaux stériles de Kobe, comme un bloc rouge et lourd, le soleil est tombé. Un vol de vautours passe et semble le poursuivre. Le ciel terne est rayé de nuages de cuivre, et de sombres lueurs vers l'est traînent encore, pareilles aux lambeaux de quelques robes d'or. Le rugueux sénard, jonché de pierres rousses qui hérissent le sable ou déchirent les mousses, à travers la vapeur de ces marais malsains, ondule jusqu'au pied des versants abyssins. La nuit tombe. On entend les koukals aux cris aigres. Les hyènes, secouant le poil de leur dos maigre, de buissons en buissons, se glissent en râlant. L'hippopotame souffle aux berges du Nil blanc et vautre, dans les joncs rigides qui l'écrasent, son ventre rose et gras, tout cuirassé de vase. Autour des flaques d'eau saumâtre où les chacals par bandes viennent boire en longeant les nopales, l'aigu fourmillement des stridentes bigailles s'épaissit et tournoie au-dessus des broussailles. Tandis que, du désert en Nubie emporté, un vent âcre, chargé de chaude humidité, avec une rumeur vague et sinistre, agite les rudes palmiers d'Oum, où l'ibis fait son gîte. Voici ton heure, ô roi du Sénard, ô chef dont le soleil endort le rugissement bref. Sous la roche concave et pleine d'eau qui luise, contre l'âpre granit, tes ongles durs s'aiguisent. Arquant tes souples reins fatigués du repos, et ta crinière jaune éparse sur le dos, tu te lèves. Tu viens d'un pas mélancolique aspirer l'air du soir sur ton seuil famélique, et, le front haut, les yeux à l'horizon dormant, tu regardes l'espace et rugis sourdement. Sur la lividité du ciel, la lune froide de l'approche oasis découpe l'ombre roide où, las d'avoir marché par les terrains bourbeux, les hommes du Darfour font halte avec leurs bœufs. Ils sont couchés là-bas, auprès de la citerne dont un rayon de lune argente l'onde terne. Les uns, ayant mangé le mil et le maïs, s'endorment en parlant du retour au pays. Ceux-ci, pleins de langueur, rêvant de grasses herbes, et le mufle enfoui dans leur fanon superbe, ruminent lentement sur leur lit de gravier. À toi la chair des bœufs ou la chair des bouviers. Le vent a consumé leur feu de ronces sèches. Ta narine s'emplit d'une odeur vive et fraîche, ton ventre bat, la faim hérisse tes cheveux, et tu plonges dans l'ombre en quelque bond nerveux. Fin de L'Oasis, lu par Ezois, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La Fontaine aux Lianes. De poèmes et poésies de Charles le Comte de Lille. Lu pour LibriVox.org. La Fontaine aux Lianes. Comme le flot des mers ondulant vers les plages, ô bois, vous déroulez, plein d'arômes et de nids, dans l'air splendide et bleu, vos houles de feuillage. Vous êtes toujours vieux et toujours rajeuni. Le temps a respecté, roi aux longues années, vos grands fronts couronnés de lianes d'argent. Nul pied ne foulera vos feuilles non fanées. Vous verrez passer l'homme et le monde changeant. Vous inclinez d'en haut, au penchant des ravines, vos rameaux lents et lourds qu'ont brûlés les éclairs. Qu'il est doux le repos de vos ombres divines, au soupir de la brise, aux chansons des flots clairs. Le soleil de midi fait palpiter vos sèves. Vous siégez, revêtus de sa pourpre et sans voix. Mais la nuit, épanchant la rosée et les rêves, apaise et fait chanter les âmes et les bois. Par-delà les verdeurs des zones maternelles, où vous poussez d'un jet vos troncs inébranlés, seuls, plus près du ciel, les neiges éternelles couvrent de leurs plis blancs les pics immaculés. Ô bois natal, j'errais sous vos larges ramures. L'aube au flanc noir des monts marchait d'un pas vermeil. La mer avec lenteur éveillait ses murmures, et de tout œil vivant fuyait le doux sommeil. Au bord des nids, ouvrant ses ailes longtemps closes, l'oiseau disait le jour avec un chant plus frais que la source agitant les verts buissons de roses, que le rire amoureux du vent dans les forêts. Les abeilles sortaient des ruches naturelles, et par essaim, vibraient au soleil matinal, et, livrant le trésor de leurs corolles frêles, chaque fleur répandait sa goutte de cristal. Et le ciel descendait dans les clairs rosées dont la montagne bleue au loin étincelait. Un mol encens fumait des plantes arrosées vers la sainte nature à qui mon cœur parlait. Au fond des bois baignés d'une vapeur céleste, il était une eau vive où rien ne remuait. Quelques joncs verts, gardiens de la fontaine agreste, s'y penchaient au hasard en un groupe muet. Les larges nénuphars, les lianes errantes, blancs archipels, flottaient enlacés sur les eaux, et dans leurs profondeurs vives et transparentes brillait un autre ciel où nageaient les oiseaux. Ô fraîcheur des forêts, sérénité première, ô vent qui caressiez les feuillages chanteurs, fontaine aux flots heureux où jouait la lumière, Éden épanoui sur les vertes hauteurs. Salut, ô douce paix, et vous, pures haleines, et vous qui descendiez du ciel et des rameaux, repos du cœur, oubli de la joie et des peines, salut, ô sanctuaire interdit à nos maux. Et sous le dôme épais de la forêt profonde, au réduit du lac bleu dans les bois épanchés, dormait, enveloppé du suaire de l'onde, un mort, les yeux au ciel, sur le sable couché. Il ne sommeillait pas, calme comme Ophélie, et souriant comme elle, et les bras sur le sein. Il était de ces morts que bientôt on oublie. Pâle et triste, il songeait au fond du clair bassin. La tête au dur regard reposait sur la pierre. Au repli de la joue où le sable brillait, on eût dit que des pleurs tombaient de la paupière et que le cœur encore par instant tressaillait. Sur les lèvres errait la sombre inquiétude. Immobile, attentif, il semblait écouter si quelque pas humain, troublant la solitude, de son suprême asile allait le rejeter. Jeune homme, qui choisis pour ta couche azurée la fontaine des bois aux flots silencieux, nul ne sait la liqueur qui te fut mesurée au calice éternel des esprits soucieux. De quelle passion ta jeunesse assaillie vint-elle ici chercher le repos dans la mort? Ton âme à son départ ne fut pas recueillie, et la vie a laissé sur ton front un remords. Pourquoi jusqu'au tombeau cette tristesse amère? Ce cœur s'est-il brisé pour avoir trop aimé? La blanche illusion, l'espérance éphémère, en s'envolant au ciel, l'ont-elles vu fermer? Tu n'es pas né sans doute au bord des mers dorées, et tu n'as pas grandi sous les divins palmiers, mais l'avare soleil des lointaines contrées n'a pas mûri la fleur de tes songes premiers. À l'heure où de ton sein la flamme fut ravie, ô jeune homme qui vint dormir en ces beaux lieux, une image divine et toujours poursuivie, un ciel mélancolique, ont passé dans tes yeux. Si ton âme ici-bas n'a pas brisé sa chaîne, si la source aux flots purs n'a point lavé tes pleurs, si tu ne peux partir pour l'étoile prochaine, reste, épuise la vie et tes chères douleurs. Puis, ô pâle étranger, dans ta fosse bleuâtre, libre des maux soufferts et du nombre voilé, que la nature au moins ne te soit point marâtre, repose entre ses bras, paisible et consolé. Tel je songeais. Les bois, sous leur ombre odorante, épanchant un concert que rien ne peut tarir, sans m'écouter, berçaient leur gloire indifférente, ignorant que l'on souffre et qu'on puisse en mourir. La fontaine limpide, en sa splendeur native, réfléchissait toujours les cieux de flamme emplie, et sur ce triste front, nulle haleine plaintive de florians et purs ne vint rider les plis. Sur les blancs nénuphars, l'oiseau ployant ses ailes, buvait de son bec rose en ce bassin charmant, et, sans penser aux morts, tout couvert d'étincelles, volait sécher sa plume au tiède firmament. La nature se rit des souffrances humaines. Ne contemplant jamais que sa propre grandeur, elle dispense à tous ses forces souveraines, et garde pour sa part le calme et la splendeur. Fin de La Fontaine aux Lianes, lu par Ezois, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La Ravine Saint-Gilles, de poèmes et poésies de Charles Lecomte de Lisle, lu pour LibriVox.org. La Ravine Saint-Gilles. La gorge est pleine d'ombre où, sous les bambous grêles, le soleil au zénith n'a jamais resplendi, où les filtrations des sources naturelles s'unissent au silence enflammé de midi. De la lave durcie aux fissures moussues, au travers des lichens, l'eau tombe en ruisselant, s'y perd, et, se creusant de soudaines issues, germe et circule au fond parmi le gravier blanc. Un bassin au reflet d'un bleu noir y repose, morne et glacé, tandis que, le long des blocs lourds, la liane en treillis suspend sa cloche rose entre d'épais gazons aux touffes de velours. Sur les rebords saillants où le cactus éclate, errant des vétivers aux aloès fleuris, le cardinal, vêtu de sa plume écarlate, en leur nid cotonneux, trouble les colibris. Les martins au bec jaune et les vertes perruches, du haut des pics aigus, regardent l'eau dormir et, dans un rayon vif autour des noires ruches, on entend un vol d'or tournoyer et frémir. Soufflant leur vapeur chaude au-dessus des arbustes, suspendus aux sentiers d'herbes rudes entravées, des bœufs de tamatave, indolents et robustes, hument l'air du ravin que l'eau vive a lavé. Et les grands papillons aux ailes magnifiques, la rose sauterelle en ses bons familiers, sur leurs bosses calleuses et leurs reins pacifiques, sans peur du fouet velu, se posent par milliers. À la pente du roc que la flamme pénètre, le lézard souple et long s'enivre de sommeil et, par instant, saisi d'un frisson de bien-être, il agite son dos d'émeraude au soleil. Sous les réduits de mousse où les cailles replètes de la chaude savane évitent les ardeurs, glissant sur le velours de leurs pattes discrètes, l'œil mi-clos de désir rampe les charaudeurs. Et quelques noirs, assis sur un quartier de lave, gardiens des bœufs épars paissant l'herbage amer, un haillon rouge au rein, fredonne un air saclave, et songe à la grande île en regardant la mer. Ainsi, sur les deux bords de la gorge profonde, rayonne, chante et rêve, en un même moment, toute forme vivante et qui fourmille au monde. Mais forme, son, couleur, s'arrête brusquement. Plus bas, tout est muet et noir au sein du gouffre, depuis que la montagne, en émergeant des flots, rugissante et par jets de granit et de soufre, se figea dans le ciel et connut le repos. À peine une échappée, étincelante et bleue, laisse-t-elle entrevoir, en un pan du ciel pur, vers Rodrigue ou s'élant, le vol des pailles en queue, comme un flocon de neige égaré dans l'azur.

devant ce vermisseau plus frêle que tes herbes. Mieux que la foudre errant à travers tes fourrés, sa torche embrasera coteaux, vallons et plaines. Tu t'évanouiras au vent de son haleine. Son œuvre grandira sur tes débris sacrés. Plus de fracas sonores aux parois des abîmes, des rires, des bruits vils, des cris de désespoir. Entre des murs hideux, un fourmillement noir. Plus d'arceaux de feuillage aux profondeurs sublimes. Mais tu pourras dormir, vengé et sans regret, dans la profonde nuit où tout doit redescendre. Les larmes et le sang arroseront ta cendre, et tu rejailliras de la nôtre, ô forêt. Fin de La Forêt Vierge, lu par Ezoy, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'Aurore, de poèmes et poésies de Charles Lecomte de Lisle, lu pour LibriVox.org. L'Aurore. La nue était d'or pâle, et d'un ciel doux et frais, sur les jaunes bambous, sur les rosiers épais, sur la mousse gonflée et les safrans sauvages, d'étroits rayons filtraient à travers les feuillages. Un arôme léger d'herbes et de fleurs montait, un murmure infini dans l'air subtil flottait. Cœur des esprits cachés, âme de toutes choses, qui font chanter la source et s'entr'ouvrir les roses. Dieu jeune, bienveillant, roi d'un monde enchanté où s'unissent d'amour la force et la beauté. La brume bleue errait aux pentes des ravines, et, de leur bec pourpré lissant leurs ailes fines, les blonds sénégalis, dans les giroflées d'une eau pure trempée, s'éveillaient par milliers. La mer était sereine, et sur la houle claire l'aube vive dardait sa flèche de lumière. La montagne nageait dans l'air éblouissant avec ses verts coteaux de maïs mugissant et ses cônes d'azur et ses forêts bercées aux brises du matin sur les flots élancés. Et l'île, rougissante et lasse du sommeil, chantait et souriait au baiser du soleil. Ô jeunesse sacrée, irréparable joie, félicité perdue où l'âme en pleurs se noie. Ô lumière, ô fraîcheur des monts calmes et bleus, des coteaux et des bois feuillages onduleux, aube d'un jour divin, chant des mers fortunées, florissante vigueur de mes belles années. Vous vivez, vous chantez, vous palpitez encore, sainte réalité, dans vos horizons d'or. Mais ô nature, ô ciel, flot sacré, mont sublime, bois dont les vents amis font murmurer les cimes, forme de l'idéal, magnifiques aux yeux, vous avez disparu de mon cœur oublieux. Et voici que, lassé de voluptés amères, haletant du désir de mes mille chimères, hélas, j'ai désappris les hymnes d'autrefois, et que mes dieux trahis n'entendent plus ma voix. Fin de L'Aurore, lu par Ezoy, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Un coucher de soleil, de poèmes et poésies, de Charles Lecomte de Lisle, lu pour LibriVox.org. Un coucher de soleil. Sur la côte d'un beau pays, par-delà les flots pacifiques, deux hauts palmiers épanouis bercent leurs palmes magnifiques. À leur ombre, tel qu'un nabab qui, vers midi, rêve et repose, dort un grand tigre du Pendjab, allongé sur le sable rose. Et, le long des fûts lumineux, comme au paradis des Genèses, deux serpents enroulent leurs nœuds dans une spirale de braise. Auprès, un golfe de satin, où le feuillage se reflète, baigne un vieux palais byzantin de briques rouges et violettes. Puis, des cygnes noirs par milliers, l'aile ouverte au vent qui s'y joue, hurlent au bas des escaliers, l'eau diaphane avec leur proue. L'horizon est immense et pur. À peine voit-on, aux cieux calmes, descendre et monter dans l'azur la palpitation des palmes. Mais voici qu'au couchant vermeil, l'oiseau roc s'enlève, écarlate. Dans son bec,

aux nuits douces, aux cieux muets de l'Occident, sur les feuillages et les mousses, le ciel darde un œil ardent. Les cerfs, par bonds, dans les vallées, se baignent aux sources troublées. Le bruit des hommes va grondant. Allez, ô blanches exilées, aux cieux muets de l'Occident. Heureux qui vous suit, clarté morne, ô lampe qui versez l'oubli. Comme vous, dans l'ombre sans borne, heureux qui roule enseveli. Celui-là vers la paix s'élance. Haine, amour, larmes, violence, ce qui fut l'homme est aboli. Donnez-nous l'éternel silence, ô lampe qui versez l'oubli. Fin de La chute des étoiles, lu par Ezoy, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Christine, de Poèmes et Poésies de Charles le Comte de Lille, lu pour LibriVox.org. Christine. Une étoile d'or là-bas illumine le bleu de la nuit, derrière les monts. La lune blanchit la verte colline. Pourquoi pleures-tu, petite Christine? Il est tard, dormons. Mon fiancé dort sous la noire terre. Dans la froide tombe, il rêve de nous. Laissez-moi pleurer, ma peine est amère. Laissez-moi gémir éveillée, ma mère. Les pleurs me sont doux. La mère repose, et Christine pleure, immobile auprès de l'âtre noirci. Au long tintement de la douzième heure, un doigt léger frappe à l'humble demeure. Qui donc vient ici? Tire le verrou, Christine, ouvre vite. C'est ton jeune ami, c'est ton fiancé. Un suaire étroit à peine m'abrite. J'ai quitté pour toi, ma chère petite, mon tombeau glacé. Et cœur contre cœur, tous deux ils s'unissent. Chaque baiser dure une éternité. Les baisers d'amour jamais ne finissent. Ils causent longtemps, mais les heures glissent. Le coq a chanté. Le coq a chanté, voici l'aube claire. L'étoile s'éteint, le ciel est d'argent. Adieu, mon amour, souviens-toi, ma chère. Les morts vont rentrer dans la noire terre jusqu'au jugement. Ô mon fiancé, souffres-tu? Dit-elle. Quand le vent d'hiver gémit dans les bois, quand la froide pluie au tombeau ruisselle. Pauvre ami, couché dans l'ombre éternelle, entends-tu ma voix? Au rire joyeux de ta lèvre rose, mieux qu'au soleil d'or le pré rougissant, mon cercueil s'emplit de feuilles de rose. Mais tes pleurs amères dans ma tombe close font pleuvoir du sang. Ne pleure jamais. Ici-bas tout cesse, mais le vrai bonheur nous attend au ciel. Si tu m'as aimé, garde ma promesse. Dieu nous rendra tout, amour et jeunesse, au jour éternel. Non, je t'ai donné ma foi virginale. Pour me suivre aussi, ne mourrais-tu pas? Non, je veux dormir ma nuit nuptiale, blanche, à tes côtés, sous la lune pâle, morte entre tes bras. Lui ne répond rien. Il marche et la guide. À l'horizon bleu, le soleil paraît. Ils hâtent alors leur course rapide. Ils vont, traversant sur la mousse humide la longue forêt. Voici les pins noirs du vieux cimetière. Adieu, quitte-moi, reprends ton chemin. Mon unique amour, entends ma prière. Mais elle, au tombeau, descend la première et lui tend la main. Et depuis ce jour, sous la croix de cuivre, dans la même tombe, ils dorment tous deux. Ô sommeil divin dont le charme enivre, ils aiment toujours. Heureux qui peut vivre et mourir comme eux. Fin de Christine, lu par Ezoy, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La fille de l'émir, de Poèmes et Poésies de Charles le Comte de Lille, lu pour LibriVox.org. La fille de l'émir. Un beau soir revêt de chaudes couleurs les massifs touffus pleins d'oiseaux siffleurs qui, là de chansons, de jeux, de querelles, le col sous la plume, et près de dormir, écoutent encore doucement frémir l'onde aux gerbes grêles. D'un ciel attiédi le souffle léger, dans le sycomore et dans l'oranger, verse en se jouant ses vagues murmures. et, sur le velours des gazons épais, l'ombre diaphane et la molle paix tombent des ramures. C'est l'heure où s'en vient la vierge Aïcha, que le vieil émir, tout le jour, cacha sous la persienne et les fines toiles, montrée, seule et libre, aux jalouses nuits, ses yeux charmants, purs de pleurs et d'ennui, tels que deux étoiles. Son père qui l'aime, Abdelnoureddin, lui permet d'errer dans ce frais jardin, quand le jour qui brûle au couchant décline et, laissant corps doux au dôme d'argent, dort, à l'horizon, d'un reflet changeant, la haute colline. Allant et venant, du myrte au jasmin, elle se promène et songe en chemin. Blanc, rose, à demi hors de la babouche, dans l'herbe et les fleurs, brille son pied nu. Un air d'innocence, un rire ingénu, flotte sur sa bouche. Le long des rosiers, elle marche ainsi. La nuit est venue et, soudain, voici qu'une voix sonore et tendre la nomme. Surprise, Aïcha découvre en tremblant, derrière elle, calme et vêtu de blanc, un pâle jeune homme. Il est noble et grand, comme Gabriel, qui mena jadis au septième ciel l'envoyé d'Allah, le très saint prophète. De ses cheveux blonds, le rayonnement l'enveloppe et fait luire chastement sa beauté parfaite. Aïcha le voit, l'admire et lui dit « Jeune homme, salut, ton front resplendit et tes yeux sont pleins de lueurs étranges. Parle, tous tes noms, quels sont-ils? Dis-les, n'es-tu point calife? As-tu des palais? Es-tu l'un des anges ?» Le jeune homme alors dit en souriant « Je suis fils de roi, je viens d'Orient. Mon premier palais fut un toit de chaume, mais le monde entier ne peut m'enfermer. Je te donnerai, si tu veux m'aimer, mon riche royaume. » « Oui, dit Aïcha, je le veux, allons. Mais comment sortir si nous ne volons comme les oiseaux? Moi, je n'ai point d'ailes. Et sous le grand mur de fer hérissé, Abdelnoureddin, mon père, a placé des gardes fidèles. » « L'amour est plus fort que le financier, mieux que sur les monts l'aigle carnassier, et plus haut, l'amour monte et va sans trêve. Qui peut résister à l'amour divin? Auprès de l'amour, enfant, tout est vain, et tout n'est qu'un rêve. » Maison, gris, mur rentre dans la nuit. Le jardin se trouble et s'évanouit. Ils s'en vont tous deux à travers la plaine, longtemps, bien longtemps, et l'enfant, hélas, sent les durs cailloux meurtrir ses pieds-là et manque d'haleine. « Oh, mon cher Seigneur, Allah m'est témoin que je t'aime, mais ton royaume est loin. Arriverons-nous avant que je meure? Mon sang coule, j'ai bien soif et bien faim. » Une maison noire apparaît enfin. « Voici ma demeure. Mon nom est Jésus. Je suis le pêcheur qui prend dans ses raies l'âme en sa fraîcheur. Je t'aime, Aïcha. Calme tes alarmes, car, pour enrichir ta robe d'hymen, vois, j'ai recueilli, fleur de l'Yémen, ton sang et tes larmes. Tu me reverras du cœur et des yeux, et je te réserve, enfant, dans mes cieux, la vie éternelle après cette terre. » Parmi les vivants, mortes désormais, la vierge Aïcha ne sortit jamais du noir monastère. Fin de La fille de l'émir, lu par Ezoa en Belgique en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le sommeil de Leïla, de poèmes et poésies de Charles Lecomte de Lisle, lu pour LibriVox.org. Le sommeil de Leïla. Ni bruit d'aile, ni son d'eau vive, ni murmure. La cendre du soleil nage sur l'herbe en fleurs, et de son bec furtif, le bengali siffleur boit, comme un sang doré, le jus des mangues mûres. Dans le verger royal où rougissent les murs, sous le ciel clair qui brûle et n'a plus de couleur, Leïla, languissante et rose de chaleur, clôt ses yeux aux longs cils à l'ombre des ramures. Son front ceint de rubis presse son bras charmant. L'ambre de son pied nu colore doucement le treillis emperlé de l'étroite babouche. Elle rit et sommeille et songe au bien-aimé.

la tombe éternelle sera notre lit de noces. Dit-elle, je suis morte. Et lui, la voyant ainsi, d'angoisse et d'amour, tombe mort aussi. Couronnés de thym et de marjolaine, les elfes joyeux dansent sur la plaine. Fin de Les Elfes, lu par Ezoie, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les Spectres, de poèmes et poésies de Charles Lecomte de Lisle, lu pour LibriVox.org. Les Spectres. 1. Trois spectres familiers hantent mes heures sombres. Sans relâche, à jamais, perpétuellement, du rêve de ma vie, ils traversent les ombres. Je les regarde avec angoisse et tremblement. Ils se suivent, muets comme il convient aux âmes, et mon cœur se contracte et saigne en les nommant. Ces magnétiques yeux, plus aigus que des lames, me blessent fibre à fibre et filtrent dans ma chair. La moelle de mes os gèle à leur morne flamme. Sur ses lèvres sans voix éclate un rire amer. Il m'entraîne parmi la ronce et les décombres, très loin, par un ciel lourd et terne de l'hiver. Trois spectres familiers hantent mes heures sombres. 2. Ces spectres, on dirait en vérité des morts, tant leur face est livide et leurs mains sont glacées. Ils vivent cependant. Ce sont mes trois remords. Que ne puis-je tarir le flot de mes pensées, et dans l'abîme noir et vengeur de l'oubli, noyer le souvenir des ivresses passées. J'ai brûlé les parfums dont vous m'aviez empli. Le flambeau s'est éteint sur l'autel en ruine. Tout, fumée et poussière, est bien enseveli. Rien ne renaîtra plus de tant de fleurs divines, car du rosier céleste, hélas, sans trop d'efforts, vous avez bu la sève et tranché les racines. Ces spectres, on dirait en vérité des morts. 3. Les trois spectres sont là qui dardent leurs prunelles. Je revois le soleil des paradis perdus. L'espérance sacrée en chantant bat des ailes. Et vous, vers qui montaient mes désirs éperdus, chères âmes, parlez, je vous ai tant aimé. Ne me rendrez-vous plus les biens qui me sont dus? Au nom de cet amour dont vous fûtes charmé, laissez comme autrefois rayonner vos beaux yeux. Déroulez sur mon cœur vos tresses parfumées. Mais tandis que la nuit lugubre étreint les cieux, debout, se détachant de ces brumes mortelles, les voici devant moi, blancs et silencieux. Les trois spectres sont là, qui dardent leurs prunelles. 4. Oui, le dogme terrible, ô mon cœur, a raison. En vain les songes d'or y versent leurs délices, dans la coupe où tu bois, nage un secret poison. Tout homme est revêtu d'invisibles cilices, et dans l'enivrement de la félicité, la guêpe du désir ravive nos supplices. Frémirons-nous toujours sous ce vol irrité? N'arracherons-nous point ce dard qui nous torture? Ni dans ce monde, ni dans notre éternité. La vieille illusion fait de nous sa pâture. Nul captif n'atteindra le seuil de sa prison. Et la guêpe est au sein de l'immense nature. Oui, le dogme terrible, ô mon cœur, a raison. Fin de Les Spectres, lu par Ezoie, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le soir d'une bataille, de poèmes et poésies, de Charles Lecomte de Lisle, lu pour LibriVox.org. Le soir d'une bataille. Tels que la haute mer contre les durs rivages, à la grande tuerie, ils se sont tous rués, ivres et haletants, par les boulets troués, en d'épais tourbillons pleins de clameurs sauvages. Sous un large soleil d'été, de l'aube au soir, sans relâche, fauchant les blés, brisant les vignes, longs murs d'hommes, ils ont poussé leurs sombres lignes, et là, par blocs entiers, ils se sont laissés choir. Puis, ils se sont liés en étreintes féroces, le souffle au souffle uni, l'œil de haine chargé. Le fer, d'un sang fiévreux, à l'aise s'est gorgé. la cervelle a jailli sous la lourdeur des crosses. Victorieux, vaincus, fantassins, cavaliers, les voici maintenant, blêmes, muets, farouches, les poings fermés, serrant les dents, et les yeux louches, dans la mort furieuse, étendue par milliers. La pluie, avec lenteur lavant leur pâle face, aux pentes du terrain fait murmurer ses eaux, et par la morne plaine où tourne un vol d'oiseaux, le ciel d'un noir sinistre estompe au loin leur masse. Tous les cris se sont tus, les râles sont poussés. Sur le sol bossué de tant de chair humaine, aux dernières lueurs du jour, on voit à peine se tordre vaguement des corps entrelacés. Et là-bas, du milieu de ce massacre immense, dressant son cou roidi, percé de coups de feu, un cheval jette au vent un rauque et triste adieu que la nuit fait courir à travers le silence. Ô boucherie, ô soif du meurtre, acharnement horrible, odeur des morts qui suffoquent et navrent, soyez maudits devant ces 100 000 cadavres et la stupide horreur de cet égorgement. Mais, sous l'ardent soleil ou sur la plaine noire, si, heurtant de leur cœur la gueule du canon, ils sont morts, liberté, ces braves, en ton nom, béni soit le sang pur qui fume vers ta gloire. Fin de Le soir d'une bataille, lu par Ezoie, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Ultrakelos, de poèmes et poésies de Charles Lecomte de Lisle, lu pour LibriVox.org. Ultrakelos. Autrefois, quand l'essaim fougueux des premiers rêves sortait en tourbillon de mon cœur transporté, quand je restais couché sur le sable des grèves, la face vers le ciel et vers la liberté, quand, chargé du parfum des hautes solitudes, le vent frais de la nuit passait dans l'air dormant, tandis qu'avec lenteur, versant ses flots moins rudes, la mer calme grondait mélancoliquement, quand les astres muets, entrelaçant leurs flammes, et toujours jaillissant de l'espace sans fin, comme une grêle d'or pétillait sur les lames, ou remontait nager dans l'océan divin, incliné sur le gouffre inconnu de la vie, palpitant de terreur joyeuse et de désir, quand j'embrassais dans une irrésistible envie l'ombre de tous les biens que je n'ai pu saisir. Ô nuit du ciel natal, parfum des vertes cimes, noir feuillage empli d'un vague et long soupir, et vous, monde, brûlant dans vos steppes sublimes, et vous, flots qui chantiez, près de vous assoupir, ravissement des sens, vertige magnétique où l'on roule sans peur, sans pensée et sans voix, inerte volupté des ascètes antiques, assis, les yeux ouverts, sentant au fond des bois. Nature, immensité si tranquille et si belle, majestueux abîme où dort l'oubli sacré, que ne me plongeais-tu dans ta paix immortelle quand je n'avais encore ni souffert ni pleuré? Laissant ce corps d'une heure errer à l'aventure par le torrent banal de la foule emportée, que n'en détachais-tu l'âme en fleur, ô nature, pour l'absorber dans ton impassible beauté? Je n'aurais pas senti le poids des ans funèbres, ni sombre, ni joyeux, ni vainqueur, ni vaincu. J'aurais passé par la lumière et les ténèbres, aveugle comme un dieu, je n'aurais pas vécu. Mais, ô nature, hélas, ce n'est pas toi qu'on aime. Tu ne fais point couler nos pleurs et notre sang. Tu n'entends point nos cris d'amour ou d'anathème. Tu ne recules point en nous éblouissant. Ta coupe toujours pleine est trop près de nos lèvres. C'est le calice amer du désir qu'il nous faut. C'est le clairon fatal qui sonne dans nos fièvres. Debout, marchez, courez, volez, plus loin, plus haut. Ne vous arrêtez pas, ô larves vagabondes, tourbillonnez sans cesse innombrables essaims. Pieds sanglants, gravissez les degrés d'or des mondes. Ô cœur plein de sanglots, battez en d'autres seins. Non, ce n'était point toi, solitude infinie, dont j'écoutais jadis l'ineffable concert. C'était lui qui fouettait de son âpre harmonie l'enfant songeur couché sur le sable désert. C'est lui qui dans mon cœur éclate et vibre encore comme un appel guerrier pour un combat nouveau. Va, nous t'obéirons, voix profonde et sonore, par qui l'âme d'un bond brise le noir tombeau. À de lointains soleils, allons montrer nos chaînes, allons combattre encore, penser, aimer, souffrir. Et, savourant l'horreur des tortures humaines, vivons, puisqu'on ne peut oublier ni mourir. Fin de Ultra Kelos, lu par Ezoa, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le vœu suprême, de poèmes et poésies de Charles Lecomte de Lisle, lu pour LibriVox.org. Le vœu suprême. Certes, ce monde est vieux, presque autant que l'enfer. Bien des siècles sont morts depuis que l'homme pleure, et qu'un âpre désir nous consume et nous leurre, plus ardent que le feu, sans fin, et plus amer. Le mal est de trop vivre, et la mort est meilleure, soit que les poings liés, on se jette à la mer, soit qu'en face du ciel, d'un œil ferme, et sur l'heure, foudroyé dans sa force, on tombe sous le fer. Toi, dont la vieille terre est avide, je t'aime, brûlante effusion du brave et du martyr, où l'âme se retrempe au moment de partir. Ô sang mystérieux, ô splendide baptême, puissé-je, au cri hideux du vulgaire hébété, entrer saint de ta pourpre en mon éternité. Fin de Le vœu suprême, lu par Ezoa, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le vent froid de la nuit, de poèmes et poésies de Charles Lecomte de Lisle, lu pour LibriVox.org. Le vent froid de la nuit. Le vent froid de la nuit souffle à travers les branches et casse par moments les rameaux desséchés. La neige, sur la plaine où les morts sont couchés, comme un suaire, étend au loin ses nappes blanches. En ligne noire, au bord de l'étroit horizon, un long vol de corbeaux passe en rasant la terre, et quelques chiens, creusant un tertre solitaire, entrechoquent les os dans le rude gazon. J'entends gémir les morts sous les herbes froissées. Ô pâles habitants de la nuit sans réveil, quel amer souvenir, troublant votre sommeil, s'échappe en lourds sanglots de vos lèvres glacées. Oubliez, oubliez, vos cœurs sont consumés. De sang et de chaleur, vos artères sont vides. Ô mort, mort bienheureux, en proie aux vers avides, souvenez-vous plutôt de la vie, et dormez. Ah, dans vos lits profonds, quand je pourrai descendre, comme un forçat vieilli qui voit tomber ses fers, que j'aimerais sentir, libre des maux soufferts, ce qui fut moi rentré dans la commune cendre. Mais, ô songe, les morts se taisent dans leur nuit. C'est le vent, c'est l'effort des chiens à leur pâture, c'est ton morne soupir, implacable nature, c'est mon cœur ulcéré qui pleure et qui gémit. Tais-toi, le ciel est sourd, la terre te dédaigne. À quoi bon tant de pleurs si tu ne peux guérir? Sois comme un loup blessé qui se tait pour mourir, et qui mord le couteau de sa gueule qui saigne. Encore une torture, encore un battement, puis rien. La terre s'ouvre, un peu de chair y tombe, et l'herbe de l'oubli, cachant bientôt la tombe, sur tant de vanité, croît éternellement. Fin de Le vent froid de la nuit, lu par Ezoa, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Fiat Nox, de poèmes et poésies de Charles Lecomte de Lisle, lu pour LibriVox.org. Fiat Nox. L'universel mort ressemble au flux marin, tranquille ou furieux, n'ayant hâte ni trêve, qui s'enfle, gronde, roule et va de grève en grève, et sur les hauts rochers, passe soir et matin. Si la félicité de ce vain monde est brève, si le jour de l'angoisse est un siècle sans fin, quand nos pieds trébuchent à ce gouffre divin, l'angoisse et le bonheur sont le rêve d'un rêve. Ô cœur de l'homme, ô toi misérable martyr, que dévore l'amour et que ronge la haine, toi qui veux être libre et qui baisse ta chaîne, regarde, le flot monte et vient pour t'engloutir. Ton enfer va s'éteindre, et la noire marée va te verser l'oubli de son ombre sacrée. Fin de Fiat Nox, lu par Ezoa, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le dernier souvenir, de poèmes et poésies, de Charles Lecomte de Lisle, lu pour LibriVox.org. Le dernier souvenir. J'ai vécu, je suis mort. Les yeux ouverts, je coule dans l'incommensurable abîme, sans rien voir, lent comme une agonie et lourd comme une foule. Inerte, blême, au fond d'un lugubre entonnoir, je descends d'heure en heure et d'année en année, à travers le muet, l'immobile, le noir. Je songe et ne sens plus. L'épreuve est terminée. Qu'est-ce donc que la vie? Étais-je jeune ou vieux? Soleil, amour! Rien, rien. Va, chère abandonnée. Tournoie, enfonce, va. Le vide est dans tes yeux, et l'oubli s'épaissit et t'absorbe à mesure. Si je rêvais. Non, non, je suis bien mort. Tant mieux. Mais ce spectre, ce cri, cette horrible blessure, cela dut m'arriver en des temps très anciens. Ô nuit, nuit du néant, prends-moi. La chose est sûre. Quelqu'un m'a dévoré le cœur. Je me souviens. Fin de Le dernier souvenir, lu par Ezoa, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La dernière vision, de poèmes et poésies, de Charles Lecomte de Lisle, lu pour LibriVox.org par Ezoa. La dernière vision. Un long silence pend de l'immobile nu. La neige, bossuant ses plis amoncelés, linceul rigide, étreint les océans gelés. La face de la terre est absolument nue. Point de ville, dont l'âge a rompu les étais, qui s'effondre par blocs confus que mord le lierre. Des lieux où tournoyait l'active fourmilière, pas un débris qui parle et qui dise « J'étais ». Ni sonnante forêt, ni mer des vents battus, vraiment, la race humaine et tous les animaux du sinistre anathème ont épuisé les mots. Les temps sont accomplis. Les choses se sont tues. Comme du faîte plat d'un grand sépulcre ancien, la lampe dont blêmit la lueur vagabonde, plein d'ennui, palpitant sur le désert du monde, le soleil qui se meurt, regarde et ne voit rien. Un monstre insatiable a dévoré la vie. Astre resplendissant des cieux, soyez témoins. C'est à vous de frémir, car ici-bas, du moins, l'affreux spectre, la goule horrible est assouvie. Vertu, douleur, pensée, espérance, remords, amour qui traversait l'univers d'un coup d'aile, qu'êtes-vous devenu? L'âme, qu'a-t-on fait d'elle? Qu'a-t-on fait de l'esprit silencieux des morts? Tout, tout a disparu, sans écho, et sans trace, avec le souvenir du monde jeune et beau. Les siècles ont scellé dans le même tombeau l'illusion divine et la rumeur des races. Ô soleil, vieil ami des antiques chanteurs, père des bois, des blés, des fleurs et des rosées, éteins donc brusquement tes flammes épuisées, comme un feu de berger perdu sur les hauteurs. Que tardes-tu? La terre est desséchée et morte. Fais comme elle, va, meurs. Pourquoi survivre encore? Les globes détachés de ta ceinture d'or volent, poussière éparse, au vent qui les emporte. et d'heure en heure aussi, vous vous engloutirez, ô tourbillonnement d'étoiles éperdues, dans l'incommensurable effroi des étendues, dans les gouffres muets et noirs des cieux sacrés. Et ce sera la nuit aveugle, la grande ombre informe, dans son vide et sa stérilité, l'abîme pacifique où gît la vanité de ce qui fut le temps, et l'espace, et le nombre. Fin de La dernière vision. Fin de Poèmes et poésies de Charles Lecomte de Lisle. Lu par Ezoa, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.